Fait que Mike Tomlin, en ce moment, ben, faut y donner, il gère bien ces personnalités-là difficiles de caractère, mais au niveau du coaching puis de la performance sur le terrain, c'est sûr, il reste à évaluer. Mais je pense que les Steelers vont finir son contrat, puis on verra en temps et lieu. Donc, ouais. Pour venir à d'autres choses, pour Jay Gruden à Washington, il n'a pas été chanceux parce que il a eu beaucoup de blessures, puis son grand carrière aussi. Si Alex Smith demeurait, là, il aurait peut-être sorti de la division même. Mais pour venir dans les huit, c'est sûr qu'il fallait s'en attendre. Là. La grosse surprise, je dois dire, c'est ça fait des années qu'on voulait qu'il parte, puis là, finalement, ils l'ont laissé aller. Oui, Marvin Lewis. Oui, tout à fait. Donc, d'un commun accord avec l'équipe, il a décidé de quitter après 16 saisons, puis une fiche de 131 victoires et 122 défaites et 3 nuls. La seule affaire qui me chicote à Cincinnati en ce moment, la rumeur dit que Marvin Lewis a référé Hugh Jackson, donc l'ancien coach des Browns, pour être le prochain coach de Cincinnati. C'est à suivre. Mais Adam Gase à Miami, il a quitté aussi après 3 saisons. Je te dirais qu'Adam Gase, là, il a quand même une certaine réputation particulière. C'est un des coachs qu'on doit dire créatif, qui essaie beaucoup de choses, un peu comme on voit avec Sean McVay de ce monde-là. Sauf qu'à Miami, c'est vraiment difficile avec le propriétaire qui a là, puis aussi les têtes dirigeantes. Donc, puis il n'a pas été chanceux avec Ryan Tannehill là, qui a été blessé. Adam Gase, lui là, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet qu'il va avoir un emploi assez rapidement. Ok. Moi, il y avait... dans l'autre coup. Vas-y. Il y avait des rumeurs. Donc, dans les rumeurs qui circulent, Mike McCarthy aurait été interviewé à New York. C'est sûr, McCarthy va rester pas longtemps au chômage. C'est un bon entraîneur. C'est rien que peut-être il était dû pour quitter les Packers. Les Packers. Josh McDaniels, je voyais ça sur. Moi, je pensais qu'il était brûlé avec la mésaventure. C'est incroyable. Il y a des rumeurs qu'il enverrait soit à Indianapolis ou à, non pas à Indianapolis, soit à Green Bay ou à Cleveland. Comment exact. Tu vois ça? Ben moi c'est incroyable parce qu'il y a même il aurait refusé si je vois rapidement là il a refusé de pas il a refusé l'entrevue à Cincinnati. Donc mais Green Bay c'est sûr qu'il y a bien du monde qui le voit à Green Bay avec Aaron Rodgers. Il pourrait faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a fait à Indianapolis? Là, j'étais sûr qu'il était brûlé. Puis la dernière fois, une de nos entrevues, j'avais dit sûrement M. Kraft chez les Patriots, il a promis quelque chose pour le futur, mais il va quand même faire des entrevues. Il va aller interviewer Green Bay. On s'attend qu'il aille aussi visiter. J'ai ici Green Bay, les Jets, non. Ben, dans la liste des entrevues en ce moment, c'est seulement Green Bay. Mais je pensais que peut-être qu'il va aller. Moi, j'ai vu les Browns de Cleveland ce matin. Moi, je suis pas un fan. Là, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les Patriots et tout ça. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Indianapolis l'année passée? En tout cas, bref, on verra. Là, ou peut-être qu'il s'en va magasiner pour avoir. Le salaire qu'il veut, mais je suis convaincu c'est lui le prochain à remplacer Belichick à New England. Là, mais en tout cas, c'est pas le cas. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore 8 équipes là, qui recherchent un entraîneur-chef. Il y en a qui sont patients, il y en a qui ne le sont pas. Là. Steve Wilkes à Arizona après un an, c'est malheureux un peu, mais on voit que Arizona, ça serait peut-être une bonne destination pour Adam Gase. Puis l'autre équipe que là, je me pose beaucoup de questions, c'est à Denver, chez les Broncos. Notre ami John Elway, bon sur le terrain, mais au niveau de la direction, puis de trouver le coach comme tel, il y a du travail à faire. Ouais. OK. Ton collègue Martin Saint-Jean, ce matin, je l'écoutais au 91.9 dire que... Oui. que Antonio Brown, là, il likait des choses des 49ers de San Francisco sur les médias sociaux. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'Antonio Brown veut être échangé? C'est sûr que de la manière... Parce que là, l'histoire est sortie. Il y a eu une chienne avec Ben Roethlisberger lors du dernier match. Le mercredi. Ben là, ça a l'air, c'est ça, il y a eu des chicanes. Ça a l'air que c'est pas présenté à des meetings dans la semaine. Antonio Brown, depuis qu'il a commencé la saga de son Facebook Live là, dans le vestiaire, je me demande qu'est-ce qui se passe avec lui. Il a commencé à aimer la page des 49ers, le lendemain de toute cette nouvelle-là, on l'a vu à la télé, mais ça, c'était quand même enregistré, là, mais il a participé à une émission de chansons là, masquées là, sur Fox. Donc, Antonio Brown, ben là, on dit qu'il demande à être échangé. L'organisation dit que non. Mais moi, je pense que ça serait peut-être le temps de faire le move, là, de l'échanger pour avoir au moins pour avoir beaucoup de choses. Parce que en arrière d'Antonio Brown, il y a Juju Smith-Schuster qui va très bien. C'est à voir là, mais en tout cas, c'est nos receveurs dans la NFL, c'est des personnalités spéciales, des divas comme on dit. Là, t'as Le'Veon Bell qui va probablement être échangé, c'est droit. T'as Antonio Brown, donc les Steelers, il faut attendre une intersaison très, très, il va y avoir beaucoup d'actions à Pittsburgh là. Ben c'est temps de le faire, puis. En tout cas, Le'Veon Bell, Pittsburgh pourrait quand même le garder. C'est à savoir qu'est-ce que Bell recherche. Mais moi, je pense que je commencerais à regarder. C'est un peu comme les Des Bryant de ce monde. Antonio Brown est très bon. Oui, il peut avoir une chance ailleurs, mais... Sauf que faut que les Steelers fassent attention. Là. Oui, c'est le temps d'échanger Brown. Big Ben, il est à ses derniers jours. Big Ben, hein, 37 ans. Ouais, donc, mais on a vu des belles choses avec James Conner, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir comment que Tomlin et la direction vont gérer ça, là. Mais ça serait le temps. Moi, je ferais l'échange, là. J'essaierais de négocier, là, puis de voir si, dépendamment des années de repêchage, cette année, c'est pas une année pour les corps arrière, mais ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Ouais. En terminant, après ça, on fait une pause, on va parler des quatre matchs du week-end. J'ai parlé avec Alexandre Gauthier, qui te remplaçait à Mané, qui c'est lui qui était le premier chroniqueur de la NFL la semaine passée. Puis Alexandre a sorti quelque chose de très, très, très intéressant la semaine passée. Il a dit, je ne sais pas si tu l'as écouté, l'entrevue, là. Oui, je l'ai écouté, oui. Ouais, et comment tu as trouvé ça? Ben pour ça se tenait les arguments, Alexandre. Oui, il disait que Laurent Duvernay-Tardif, lui, il pense que peut-être ses jours sont comptés. Oui, en raison du salaire, parce qu'il était blessé. Mais la raison de restructurer les contrats là, dans les équipes, on voit ça souvent. Ouais. Tu sais, c'est pas la grosse nouvelle, mais pour revenir à Laurent, pendant qu'il était absent, comment il s'appelle, Andrew Willey l'a bien remplacé. Ça n'a pas paru qu'il n'était pas là, mais Laurent, il est un des meilleurs comme bloqueur pour faciliter les courses, les jeux au sol. Donc, Andy Reid l'aime beaucoup. J'ai fait, après l'entrevue avec Alexandre, là, ça m'a tellement chicoté un peu. Fait que j'étais allé un peu lire un peu qu'est-ce qui se passe à Kansas City, puis ça n'en parle pas. La seule affaire qui parle, c'est qu'ils ont hâte qu'ils reviennent. Puis là, si tout va bien, toute sa ligne offensive devait revenir pour les séries. Moi, je pense qu'ils peuvent restructurer un contrat. Ça, on le voit ça souvent, dépendamment de ce qui va arriver. Là. Mais je pense pas que ces jours sont comptés à Kansas City. Là. Okay. Mais le fait qu'il est blessé, oui, il y a ça aussi. L'année passée, il a manqué 4 matchs à cause du genou. Cette année, il était absent depuis la semaine 5. Est-ce que c'est un cas de blessure récurrent? On va voir qu'est-ce que les Chiefs en pensent. Mais je suis pas inquiète pour Laurent. Puis si jamais il y a une restructuration de contrat, j'ai pas de problème. Non, mais comme Alex disait, comme Alex disait, ça, il va avoir un job. C'est sûr qu'il va avoir un job, là, mais c'était pas impossible non plus. Tu sais, on l'aime bien, Laurent, là, mais il y en a, il y en a des Laurent Duvernay tardif aussi. Tony, si tu peux faire une pause, puis on va revenir dans quelques instants. On va parler des quatre matchs du week-end. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour Ici, nos Sylvain nombreux Roux, spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99 $. Un rabais de 70%. Panneaux solaires de marque Cristallin avec rabais de 330 $. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2345. 20h. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go on Multi Go! Tony, on va parler des matchs du week-end. C'est toujours le fun. La NFL, une chose qu'on a la NFL en janvier, hein, parce que c'est le fête. Il y a un down, il y a un... Il n'y a pas de soleil. On est fatigué. Exactement. Le mois de janvier et le mois de novembre, moi, c'est mes deux mois les plus dolles. Heureusement qu'en janvier, il y a les matchs. Donc, les matchs de la NFL, les matchs éliminatoires. Moi, j'ai fait mes prédictions. Indianapolis, Seattle, les Chargers et les Bears vont passer au deuxième tour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? 3 sur 4. Moi, je pense que les Ravens vont battre les Chargers. C'est le match de Baltimore. Il me semble que Lamar Jackson, depuis qu'il est rendu avec les Ravens, il a transformé cette offensive-là. Par contre, il me semble que c'est assez facile à contrer là, contre Lamar Jackson. C'est un carrière qui est moyen comme passeur. Donc, je vais t'expliquer un peu, Danny. Dans les wildcards, c'est le meilleur week-end qu'on peut avoir dans la NFL. Là, puis j'ai vu avec les années, tu sais, quand on fait des pools ou des petites gageures comme on fait, il y a toujours sur les quatre matchs, il y a au moins un ou deux matchs qui devraient être des surprises. Mm. Donc, c'est une des raisons que celui-là, je pense que Baltimore pourrait surprendre les Chargers. Puis si vous avez écouté notre podcast des prédictions la semaine dernière, ben j'avais pris les Chargers contre les Saints. Mm. Mais là, quand j'ai vu les Chargers doivent affronter les Ravens, ils sont tellement dans un momentum. Puis oui, t'as raison, Danny. Lamar Jackson peut pas tout faire. Il faut dire que Lamar Jackson est excellente. Lamar Jackson, on va voir comment on va voir dans sa maturité, parce que ça va être quand même le plus jeune corps à participer à un match éliminatoire à 22 ans. Je suis d'accord avec toi, les Chargers, c'est l'équipe la plus balancée, autant à l'attaque qu'à la défensive. Mais les Chargers, une équipe de Los Angeles, à Baltimore, c'est ça. C'est que je pense que la défensive va tellement maintenir Philip Rivers sur les lignes de côté le plus longtemps possible. C'est là que les Ravens pourront l'emporter. Et Rivers n'a pas la réputation de gagner les gros matchs en match éliminatoire. Pardon? Non, Rivers a des, pas la réputation de gagner les gros matchs non plus. Exactement. Puis on va voir, sauf que Anthony Lynn, là, l'équipe d'entraîneurs, a quand même bien fait. Puis ben, j'ai hâte de voir Rivers. C'est ça, c'est, il est là mon doute. Sauf que de l'autre côté, est-ce qu'on peut gagner seulement avec la défensive? Puis on va voir comment la défensive des Chargers vont freiner Lamar Jackson. Okay. Et là, là, si Lamar Jackson commence au premier quart à courir comme qu'il veut, là, puis à faire ce qu'il veut, ben, ça risque d'être long pour les Chargers. Indiana, on va recommencer avec Indianapolis-Houston. Écoute, je voyais sur ESPN tantôt les prédictions des experts. Ça a tellement été serré, 58-58 dans les nombres de points cette année, dans les deux matchs. Ouais. C'est très serré. La ligne à l'attaque des Colts, c'est probablement l'une des meilleures de la NFL, sinon la meilleure. Contre Andrew Luck est en feu. C'est une des bonnes équipes de deuxième moitié de saison. Et moi, je vais y aller avec les Colts. Ben, pareillement pour moi, puis c'est quand même drôle, hein, ces deux équipes-là. Mm-hmm. Indianapolis, les six premiers matchs, avait une fiche de 1-5. Ouais. Et Houston était 0-3. Je me souviens, moi, je disais à tout le monde que Bill O'Brien devrait s'en aller, là. Mm-hmm. Mais les deux équipes ont réussi à faire les séries. Moi, qu'est-ce que je regarde? Ben, Houston, là, sont quand même chez eux, mais c'est quand même un stade fermé à, comme les Colts, un peu. Donc, c'est un terrain familier pour Andrew Luck et les Colts. La seule affaire, c'est qu'on va voir le duo de Sean Watson, DeAndre Hopkins à la passe. Watson aussi avec la course, mais le gros... le face-à-face, c'est comment que la ligne offensive des Colts va aller contre la défensive avec J.J. Watt, qui est aussi quand même tellement forte à domicile, mais c'est une des petites surprises que j'aime prendre aussi là, au niveau des Colts pour l'emporter face aux Texans, mais on a pas mal sous-estimé les Texans pendant toute l'année. Ça va être un bon match, puis on va voir aussi pour les Houston comment que Lamar Miller, là, le porteur de ballon, va aider Watson, parce que ça aussi, Watson peut pas faire tout seul. Là. Ça va être un autre gros match serré, puis ça va bien commencer le week-end. En OK. Seattle-Dallas. Excellent match à prévoir. Ouais, c'est peut-être le meilleur match des quatre. Oui. Puis dans les quatre, là, qu'est-ce qui va être le fun? Là? Moi, je pense que dans les quatre matchs, ça va se terminer par une possession et moins. Là, okay. 7 points et moins, là, ça c'est sûr. Seattle-Dallas, c'est deux équipes qui sont en feu durant la soirée en prime time. Dallas sont 11-3 dans les derniers 14 matchs en soirée. Russell Wilson en prime time, il est 22 victoires, 5 défaites et une nulle. Dallas va très bien chez eux. Seattle a eu un peu de la difficulté à l'étranger. 4-4, mais je dois donner l'avantage à l'expérience des Seahawks. Dallas, là, je pense que là, on va commencer à regretter le... Ben, c'est pas à regretter, mais on va commencer à questionner les plans de match puis la gestion de match de Jason Garrett. Puis, ben, il est 0-2, je pense, en match éliminatoire. Oui, ouais, ben, c'est ça. Puis c'est sûr que Dallas a besoin de Elliott à la course, Prescott, parce que si Seattle est capable de freiner Elliott, ben ça va être difficile pour Prescott pendant sa soirée. OK. Et l'autre match, Chicago, est-ce que Nick Foles va faire une deuxième? Je pense pas, là. Mais... moi non plus, je pense pas. La magie, ça va s'arrêter. Nick Foles, en plus, il n'est pas à 100%. Ouais. Mais il faut donner, comparé aux deux équipes, moi, là, la raison pourquoi je prends pour les Bears, parce la défensive, hein? Exactement. Khalil Mack, son premier en défensive au niveau des interceptions, son troisième au niveau des sacs du corps. Puis quand tu joues à Chicago au mois de janvier, c'est pas évident. Mais Philadelphie a de l'expérience, puis soyez pas surpris si Philadelphie gagne. Mais si les Eagles gagnent là, dimanche, là, attendez-vous à un autre chemin magique là, des Eagles. Là. Tu penses qu'il pourrait se rendre assez loin? Ben, s'il gagne dimanche, oui. Moi, là, j'ai plus confiance à l'attaque des Bears dans ce match-là là, que la défensive des Eagles, parce que... Il affronterait les Saints, s'il gagnerait. Ouais, je sais. Mais ben, je suis d'accord avec toi, Danny, mais... Tu sais, je veux dire, les Saints vont avoir... Ils reviennent d'une journée de congé, d'une semaine de congé. Ouais. les Eagles sont sur un momentum, puis mais je pense pas là, mais en tout cas les Bears ont vraiment l'avantage du terrain dimanche. Oh, puis, ouais, le... puis la défense, je crois que les Eagles sont habitués de ce côté-là aussi là. Philadelphie, c'est pas chaud, ouais. Moi j'ai envie non plus là. Ouais, mais la défensive des Eagles est pas mal amochée là, les blessures là. Ça va prendre un grand miracle de Foles là, mais ça risque d'être quatre matchs quand même à bas pointage là, en fin de semaine. Comme j'ai dit, pas plus 7 points et moins de différence là. Ça va être vraiment un beau week-end, à moins qu'on se fasse avoir, mais tout est possible là. Je regarde les prédictions là, c'est un bord et de l'autre là, pas dans chacun des matchs. Ça va être vraiment un beau week-end de football. Okay. Tony, on se reparle vendredi prochain? Oui. Du site internet lebitsnfl.com, Tony Guzzo.